Ya mi check, check, qui parle, parle. Balafré au mic de la moche mal rasé. Laisse présumer que dans ma if quelque chose est mal passé. Peut-être un wahwad mal tassé. Le rap français s'est grillé, crié dans une cellule matelassée. Comme un gogol, j'ai le cœur tabassé comme un sac de frappe. Mes cicatrices, un barrage qui m'empêche de changer de cap. C'est hard d'avancer, étiquette agrafée. De cassos sans diplôme qui veut pas taffer. Mais quand on charbonne, on est des machines à taffer. Pas tant de tchatchi corine près de la machine à café. Mes primes mélancolies, on est balafré. Mais comment oublier toutes ces années à magouiller. Tout ce sky est oublié. Le regard crispé de ma daronne devant ses gros billets. Sorti de ma veste, j'ai voulu galocher la belle vie. J'ai attrapé l'herpès. Mes prix mélancolie, c'est nous les balafrés. Mes prix mélancolie, on est balafrés. Balafrés au mic, balafrés dans la vie. Ça rap sec, mon pote. Appelle tes amis sur la prod à job. Leur quête est finie. Balafrés au mic, balafrés dans la vie. Ça rap sec, mon pote. Appelle tes amis sur la prod à job. La fête est finie. Avec le temps, on me dit bon vin, j'prends la bouteille, j'm'en bats les couilles de vos potins. J'fais bien la diff entre les potes, les putes et les putains. Au microphone, j'ai le dédain. Tant d'amertume dans mes écrits, la vérité, j'suis trop aigri. Mon angle, c'est mon sang, donc tant qu'il coule, j'suis en vie. Balafré dans mon âme, au plus profond de moi-même. Chaque phase que je pose, c'est une graine que je sème. Mes rimes, j'lasse, lâche un beat, je le sais. Big check, c'est l'équipe, ma brade, c'est mon bas. 3 MC, aussi pur que la coke que tu passes. Rien à foutre, des jaloux, toutes ces putes qui battent. Une âme sur ta joue, on laisse une trace. La grande porte est fermée, on passe par la trappe. Ton rap c'est du falche comme la fouffe d'un frappe. Dealer de rime, on a des 16 à plus grave. Balafré au mic, balafré dans la vie. Ça rap sec, mon pote. Appelle tes amis sur la prod à job. La fête est finie. Balafré au mic, balafré dans la vie. Ça rap sec, mon pote. Appelle tes amis sur la prod à job. La fête est finie. Check, OP mort, L-O-N, B-A-B, on est S-T-O-N-E, sur la tape, adjoc, compté O-W-N, tout ce qu'on a dans le beat, rap à dans le beat. J'ai la tête un peu cramée, flico, faut pas envie de tout cramer. On est au milieu de la mer avec une envie de foutre ramée. Pour rejoindre la terre ferme, enfin la perche. Toucher les petites fesses fermes avec ma verge. Tu vois le cerveau vierge, les noirs allument un cierge. Place Valdec Rousseau, on sait où les concierges. Façon avec leur cul, ils feraient rien sans les concierges. Ton sectarien sur ton flash pour la fin de Jojo. Moi sur le terrain, pour les palafrés je joue. L'état veut nous voir tout arrêter, paraît-il. Mais moi j'ai le seum, ça se lit dans la rétine. Balafré au mic, balafré dans la vie. Ça rap sec, mon pote. Appelle tes amis sur la prod à job. La fête est finie. Balafré au mic, balafré dans la vie. Ça rap sec, mon pote. Appelle tes amis sur la prod à job. La fête est finie.